l'occasion de la Journée du Soleil ont eu lieu le séminaire sur les mémoires du président Kim Il-sung à travers le siècle en Allemagne, le séminaire sur l'œuvre classique du général Kim Jong-il honorant le camarade Kim Il-sung, grand leader, comme président éternel de notre République au Bénin, ainsi que le séminaire sur l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, le grand président Kim Il-sung est l'éternel leader de notre parti et de notre peuple en Autriche. Y en prépare les personnalités de différents milieux et autres habitants. Les orateurs ont exalté la noble vie du président qui a consacré tout pour le bonheur du peuple, la réunification de la Corée et l'accomplissement de la cause d'émancipation du monde.